Des moufles. Mais il fait pas froid. Ah, il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Allez, comme toi. Allez, comme toi, mec. C'est les néons. Faites gaffe, de Saloma. De Saloma. Thank you.